tu voyais comme les fous se rient de nous voir tomber. Si tu savais, leur rire exulte sans rien nous envier. Si tu savais combien ces regards perdus s'amusent de nous voir nous compliquer. Les moments simples, les occasions de vibrer, se plaindre encore et encore et encore et encore. Tu voyais le sourire de leurs yeux émerveillés. Si tu sentais l'envie de tout réveiller, les envies cachées, nourries de tout ce qui peut se défendre sans attendre, comprendre et crier plus fort et plus fort. Les fous glacent le sang, les